بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس العشرين. 20e question. أو plutôt 20e درس. في السؤال الثاني بعد المئة. 102e question. بماذا نتوصل إلى الله تعالى؟ Par quoi nous interrogeons ou nous demandons à Allah? Ou plutôt, qu'est-ce que nous prenons comme, comme moyen d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Quel moyen employons-nous pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala lors de nos invocations? Car ça, c'est un bœuf dans lequel sont gagnés beaucoup de gens. Qala, il y a thalath ashiya, trois choses. Awalan bi asma'i wa sifatihi. On l'invoque par ses noms et attributs. En premier lieu. Wa dalil qawlu ta'ala wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzaun ma kanu ya'malun. Que Allah a les plus beaux noms, invoquez-le avec. Donc le verset est wadih, d'invoquer Allah par ses noms. Et délaissez ceux qui blasphèment dans ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont commis. Al-A'raf, verset 180. Deuxième chose, bil-amal as-salih, qu'on invoque Allah par le biais de nos actes, de nos œuvres pieuses. Wa dalil qawlu ta'ala, Rabbana amanna bima anzalta, wattaba'na ar-rasul, afwan, faktubna ma'a shahidin. Dans le sens où Allah dit, ô notre Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre, nous avons suivi le messager, alors inscris-nous auprès des témoins. Al-Imran, verset 53. Donc là, ils ont fait demander à Allah de les inscrire auprès des témoins par le biais de leur foi et de leur suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont intercédé dans leur dua par leurs œuvres pieuses comme la foi. Et quand on dit œuvre pieuse, ce n'est pas forcément un acte des membres, ça peut être un acte du cœur, comme la foi. Un acte dans lequel tu t'es sincère. Et parmi les preuves, le hadith d'Ibn Omar, de ces trois qui ont été dans la caverne, sur lequel le rocher est tombé, les a emprisonnés, et ils ont invoqué Allah Azzawajal par leurs œuvres pieuses. À tel point que la caverne a fini par se réouvrir, ils ont pu sortir. Ils ont invoqué comment? Chacun par une œuvre pieuse qu'il a fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième, bid'a rajul salih, en demandant l'invocation d'un homme pieux. Wa dalilu hadith Anas ibn Malik, قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا فدعا فمطرنا. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم, alors qu'il était en train de faire la khutba de Jumu'ah, un homme est venu et lui a fait part de ce qu'il subissait à cause de la sécheresse et du manque de pluie, et il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم d'invoquer pour eux. Le Nabi صلى الله عليه وسلم a invoqué pour eux et il s'est mis à pleuvoir même pendant une semaine entière. Et même, il a plu au point que ça a causé des dégâts. Ils sont revenus le vendredi d'après. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en se plaignant que la pluie a causé telle et telle chose. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est, Allahumma hawlana wa ala alayna. Autour de nous, mais pas sur nous. Et ainsi de suite. Et le hadith muttafaqun alayhi. Et les ulama disent que le fait de demander à quelqu'un de faire une invocation pour toi, cela est permis, mais ce n'est pas une chose sur laquelle on doit insister et s'habituer. Ce n'est pas parmi les signes des gens de la sunna de demander aux gens d'invoquer pour toi. Comme le font beaucoup, comme par exemple Jamaat Tablir ou autre. Et quant au hadith de Nabi Sassalem qui leur a dit Omar, ne nous oublie pas dans tes invocations aux petits frères, ce hadith n'a pas été authentifié. Donc demandez aux gens de faire le dua avec insistance et d'en faire une coutume, cela n'est pas une chose qui soit recommandée. Quand Allah fit Souel, Esaïs, Bardelmi'a. 103e question. Ma ma'na Muhammad Rasulullah. Que signifie le fait de dire que Muhammad est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Qala ma'naha anna Rasulullah ila an-nas kaffa min al-jinn wal-ins. Cela veut dire qu'on reconnaît, on a pour croyance ferme et la conviction qu'il est celui que Allah a envoyé pour tous les hommes et pour tous les djinns depuis sa venue jusqu'à la fin des temps. Qu'il est envoyé pour l'humanité entière. Wa dalil qawluhu ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Nous ne t'avons envoyé que pour tous les hommes en tant qu'avertisseur, annonciateur, cependant la plupart des gens ne savent pas. Saba, verset 28. وَيَجِبُ عَلَيْنَا تَعَاتُهُ وَتَصْدِيقُهُ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ. Il nous est obligatoire de lui obéir dans l'absolu lorsqu'il touche à la législation. Car des fois, le Nabi donne des ordres en guise de hirshed, de directive et de conseil, et non pas forcément d'application. C'est-à-dire celui qui ne l'applique pas, cela ne commet pas de péché. Lorsque touche au dîn et à la religion en soi, ces ordres, on doit les appliquer obligatoirement. On doit croire en ce dont il nous informe. On doit le croire, même si on n'a pas vu, ça nous paraît, mais ça l'aide, une chose qui paraît incroyable, on doit le croire. Et également, on doit délaisser et éviter tout ce qui nous a interdit. Donc celui qui dit, qui reconnaît le message du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, doit forcément agir de la sorte. Le croire, lui obéir, et délaisser ce qu'il a interdit. Sans quoi, sa foi pourrait être déficiente, voire même annulée. Cela dépend de la désobéissance qu'il a faite. والدليل قوله تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Dans le sens où Allah dit, obéissez à Allah, obéissez au messager. Et si jamais il se détourne, lui n'endossera que ce qu'il a. Lui n'assumera que ce qu'il a endossé, et eux n'assumeront que ce qu'ils ont endossé. Et si jamais vous l'obéissez, vous serez guidé. Il ne revient au messager que de retransmettre le message clair. Ad-Nur, la lumière, verset 54. Allah Azza wa Jal, wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa attaqullaha inna Allah shadidul 'iqab. Ce que le messager vous a apporté, prenez-le. Ce qui vous a interdit, délaissez-le. Et craignez Allah, car Allah est dû en châtiment. Al-Hash, l'Exode, verset 7. Donc tu ne verras pas quelqu'un dire, moi je crois au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et délaisser ce qui vient de lui de façon authentique. Ou délaisser ses ordres, ou autre. Comme quand Allah Azza wa Jal, quand ils sont suivis, c'est une marque d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis-moi, vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc cela est obligatoire. Donc les prétentions, les paroles, nous on les prend en compte lorsqu'on voit que les actes ils sont conformes chez les gens. Car beaucoup de gens parlent. Même chez les tu vas trouver chez les mécréants, des gens disent moi je suis quelqu'un de bien, ainsi de suite, on dit Tayyib. C'est comme disent les koufars, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Thumma qala fi sawal arabi ba'd al-mi'a, 104e question. Man huwa alladhi yajibu an nuhibbahu akthara min jami' an-nas? Qui est celui dont il nous est obligatoire d'aimer plus que tous les gens? Qala huwa Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le message d'Allah. والدليل حديث أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, qu'aucun d'entre vous ne croira réellement, je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son fils ou que son père ou que tous les gens réunis. Donc cet amour, comment on le voit? On le voit à travers tes actes. Tu le défends, tu lui ressembles, tu lui obéis dans ce qu'il dit et tu le crois, tu le suis et tu le fais passer sur tout le monde. Sur ton père, sur ta mère, sur ton patron, d'accord, sur ton cheikh. Si ton cheikh se trompe et s'oppose au dalil, tu ne fais pas passer sa parole de ton cheikh sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite. Et quand on aime quelqu'un, cela se voit. Même dans ton apparence, ça se voit. Si tu aimes quelqu'un, tu cherches à lui ressembler obligatoirement, tu le ressembles. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امروا على دين خليلي فلينظر احدكم من يخاله. Que l'homme suit la religion de celui qu'il aime. Donc que chacun voit qui il aime. Donc regarde bien les gens comment ils sont, comment ils ressemblent, tu verras quels sont leurs modèles. Regarde-le bien dans les sports. Ceux qui aiment le sport, tu vois qu'ils aiment le sport sur leurs vêtements. Ceux qui aiment la musique, tu le vois sur leurs vêtements. Ceux qui aiment telle chose, tu le vois sur leurs vêtements. Leur apparence, ils suivent la mode, ils suivent leur chanteur, ils lui ressemblent. Ils suivent leur sportif préféré, ils lui ressemblent. Leur acteur préféré, qui lui ressemble. Leur écrivain, ainsi de suite, ils lui ressemblent. Donc si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est plus aimé pour toi que tous les hommes, tu vas chercher à lui ressembler obligatoirement. Ou à ressembler à ce qu'il t'a demandé de ressembler. Et tu ne ressembleras pas à ce qu'il t'a interdit de faire. Mathalan. Fahadahu. Allah ziyakhazna al-yum. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.